Alors bonjour, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Le Skloutov pour l'invitation. Et c'est parti. Alors les trions de Louis le Juste, commandés par la régente Anne d'Autriche pour l'éducation de son fils, sont nés d'un projet de Jean Valdor, la création d'un livre conséquent sur les glorieuses actions de feu le roi. Malgré son ambition première, c'est-à-dire l'instruction du dauphin, il ne semble pas avoir eu, d'après Georges Lacour-Gaillet, un grand impact sur l'enfance du monarque. Tout d'abord, il est publié en 1649, c'est-à-dire en pleine période de fronde. Et ensuite, Louis XIV s'intéresse généralement plus à l'histoire de son aïeul Henri IV qu'à celle de son père. Pourtant, l'histoire métallique de la Petite Académie, éditée une première fois en 1702, nous ramène sous certains aspects au triomphe de Jean Valdor. Les œuvres se répondent par leur écriture topique, issue de la tradition historique, mais aussi par des critères caractéristiques des livres d'apparat. L'analogie va même se poursuivre sur un terrain encore plus intime et singulier, allant au-delà d'une simple ressemblance due aux codes établis par l'historiographie classique. Nos histoires ne se résument pourtant pas à cet écho. En réalité, l'histoire métallique se distingue des triomphes par son rapport à l'absolu. La représentation textuelle et iconographique de la figure royale évolue d'un livre à l'autre, s'intensifie dans le recueil de la Petite Académie et témoigne du passage, d'une certaine manière, de la monarchie à l'absolutisme. Cette hégémonie incarnée par Louis XIV se veut totale, et c'est par ce caractère totalisant qu'elle ordonne, uniformise le désordre, et ce qui nous amène à cette esthétique spécifique à l'histoire métallique qui va alors émerger et imposer un ordre suprême qui efface et lisse un certain nombre d'irrégularités textuelles et formelles qui demeurent dans les triomphes. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir, comment cette histoire métallique se détache des triomphes pour mieux nous délivrer une apologie uniforme et univoque du roi Soleil. Pour ce faire, nous allons nous axer sur trois grands mouvements. Tout d'abord, voir ce qui réunit ces deux œuvres, notamment à travers la tradition historique des livres de prestige. Ensuite, voir cette volonté immanente du recueil de la Petite Académie à être supérieur à tout autre, donc cette idée d'un règne de métal en quête de suprématie. Et enfin, voir comment cette histoire métallique s'oriente vers une esthétique de l'uniformité. Donc, nous allons nous attacher au premier point. Tout d'abord, ce sont des histoires au service du pouvoir. La monarchie a pris pour habitude d'instrumentaliser l'histoire à son avantage. Cette propagande d'État passe tout d'abord par la pension de 400 écus versée à Jean Valdor par la régente, mais aussi par la naissance, grâce à Colbert, de la Petite Académie en 1663. Également, ces deux histoires passent sous les presses de l'imprimerie royale, ouvrant et refermant donc la création sur l'interventionnisme royal, ancré sous et pour le pouvoir. Nos deux livres ne présentent que les hauts faits et les victoires des règnes, tout en taisant les revers, bien qu'ils puissent parfois être évoqués, que les défaites puissent parfois être évoquées, pour mieux promouvoir les succès qui les succèdent. C'est le cas en 1641 dans les Triomphes, face au général Lambois, où les Français sont obligés de se retirer d'Allemagne avant de prendre le contrôle du pays de Cologne, mais aussi en 1646 dans l'histoire métallique, où les alliés de Louis XIV ont échoué à prendre le siège d'Orbitel, échec qui sera réparé par la prise de Piombino et Portolangone. Ce procédé d'atténuation fait également écho à l'infériorité numérique de l'armée française, qui remporte malgré tout la bataille finale face à des troupes ennemies plus nombreuses, comme à la réduction de Wolfenbüttel dans les Triomphes ou à la paix de Ryswick dans l'histoire métallique lorsque, je cite, « la valeur triomphe du nombre ». De manière plus explicite, nos deux recueils empruntent évidemment un discours encomiastique afin d'illustrer ces prestigieuses actions du roi. Le panagyrique qui est par exemple visible à la guérison du roi Soleil à Calais, où la France se voit, je cite, « délivrée de l'extrême danger qu'elle avait couru en la personne de son jeune roi à la santé si précieuse ». Quant à Louis le Juste combattant de Charles Bay, il s'ouvre sur un roi qui cueille les lauriers au-dessus de ses terres, établit la gloire où sa valeur se fonde et apprend à vaincre l'ensemble du monde. Donc dans les deux cas, le but recherché avant tout n'est autre que l'éternité des rois, à travers leur apologie respective, ce que les préfaces annoncent dès le seuil des histoires. Pour Jean Valdor, il s'agit de construire des mausolées éternelles communicables à la postérité, et il s'agit de cette construction de mausolées, tandis que pour le préfacier Talmant, la médaille est un monument durable qui transmet les grands événements aux générations futures. À côté de ces histoires au service du pouvoir, il y a également des clichés de l'écriture historique qui se retrouvent, à commencer par le thème de la guerre. En effet, l'histoire métallique comptabilise sur le sujet 172 médailles sur 286, pendant que les triomphes nous offrent une vision exclusivement militaire du règne. À partir de cette thématique, va s'élaborer un discours convenu, avec notamment la notion de guerre juste. Le récit historique vient légitimer les conflits du règne. C'est le cas à la reddition de Saumur, où Charles Bey évoque la destruction par les rebelles qui foulent impunément un sceptre légitime, tandis que le duc de Bavière, en 1648, rompt une trêve avec les Suédois, violation que répare le roi, ce qui a donné lieu à cette médaille, où la victoire se venge de la foi violée. Le monarque s'oppose également au désordre, il rétablit l'équilibre rompu. Louis le Juste se dresse face au roi d'Espagne en 1635 afin d'entériner, selon René Barry, cette passion expansionniste des Habsbourg qui trouble l'Europe et les esprits des Espagnols. Et le retour de Louis le Grand à la capitale signe quant à lui la fin des troubles à Paris. Il y a également certaines expressions qui sont presque reprises à l'identique d'une œuvre à l'autre, à commencer par exemple par le bonheur du peuple, que ce soit les hautes espérances des Français pour le nouveau règne, avec ici « Francorum spes magna », ou lorsque René Barry évoque notre bonheur menacé par le duc Charles et son frère le prince Nicolas à la prise de la Motte. Dans un registre beaucoup plus belliciste, il y a également les énumérations pour le butin, qui sont monnaie courante, ainsi que des lieux communs qui sont en fait liés au vocabulaire convenu des relations militaires, comme par exemple « mettre en déroute », »,« l'ardeur des troupes » ou encore « jeter l'épouvante ». Finalement, il y a également le style privilégié qui est à la fois simple et noble, dans la mesure où la gloire requiert une certaine hauteur de style. Henri Étienne, dans sa préface pour les triomphes, nous apprend que son écriture est sans éloquence ni ornement de rhétorique. Dans les faits, cette simplicité proclamée par l'auteur semble avant tout être un cliché littéraire, puisqu'il emploie malgré tout l'art oratoire. Et il en va de même pour René Barry, pour qui les actions éclatantes de Louis XIII parlent d'elles-mêmes, et bien évidemment des académiciens qui prônent la noble simplicité pour leur histoire au ton naturel et au ton grave. À côté de ces clichés, il y a également cette tradition des livres de prestige, puisque nous sommes en présence de deux in-folio illustrés. Donc nous avons affaire à des livres d'apparat ornementés et fort volumineux, qui ont pour fonction d'amplifier l'immortalité de la louange, à travers notamment leurs gravures en taille douce. La particularité de ces œuvres de prestige réside avant tout dans leur rapport à l'iconographie, qui passe en partie ici par le filtre antique, qui mythifie les règnes et leur confère une certaine universalité. Certaines illustrations même nous renvoient à celles de Louis le Juste, à commencer par l'entrée des rois, mais je ne vais pas m'étendre davantage dessus, puisque Marie-Claude Canova-Green nous en a déjà fait part précédemment. Et il y a également, dans un écho encore plus flagrant, c'est la réduction de Berne qui nous ramène à l'une des médailles sur la destruction de l'hérésie. Les souverains sont à l'antique et foulent du pied l'hérésie face contre terre, reconnaissant sa chevelure reptilienne aux côtés de la religion. Ces rapprochements iconographiques ne se limitent pourtant pas au mythe. Il y a par exemple la forme circulaire des illustrations qui accompagnent les devises d'Henri Étienne, comme ici, qui nous ramène aux médailles de Louis XIV. Et ici d'ailleurs, on peut faire un rapprochement entre le vaisseau de la devise et à la médaille de la navigation établie, bien que pas prise sous le même angle. Les triomphes peuvent également nous renvoyer à l'histoire métallique à travers la cartographie qui est intégrée au récit historique de René Barry. Et c'est, même si ces plans ne sont pas forcément pris sous le même angle et avec le même souci du détail, c'est par exemple le cas pour les plans utilisé pour l'épisode historique de la défaite de Soubise en 1625, ainsi que le port de Sète, qui nous révèle donc l'intérêt commun des deux œuvres pour les cartes. Enfin, dans les deux cas, les histoires sont issues d'une entreprise colossale, collective colossale. Elles ont nécessité le concours de plusieurs auteurs, les membres de la Petite Académie pour l'histoire métallique et pour les triomphes, Jean Valdor, les écrivains des trois parties principales qui les composent, en plus de Corneille pour les épigrammes de Louis le Juste combattant, et de différents poètes comme Tristan l'Ermite. Il y a également le concours, bien évidemment, de dessinateurs et de graveurs, qui sont tout aussi nombreux, comme par exemple Leclerc et Mauger pour l'histoire métallique, et Louis Richler et René Lauchon pour les triomphes. Donc à côté de ces traits topiques, il y a également des traits particuliers qui vont au-delà des lieux communs relevés, entre ces deux œuvres, qui passent tout d'abord par l'emploi du latin et du français et le recours à la traduction. D'ailleurs, le rapprochement le plus significatif est celui avec les devises d'Henri Étienne. En effet, il traduit la devise latine avant de la décrire et d'expliquer, ce qui nous renvoie directement à la description des médailles de l'histoire métallique. Nos histoires suivent également un ordre chronologique, ce qui est issu de la tradition historique, à l'exception de la partie des triomphes sur les devises qui se découpent en portraits. Mais là où elles se démarquent justement de cette tradition historique, c'est dans leur découpage d'un événement à l'autre, événement qui fait à chaque fois l'objet d'un titre et d'au moins une gravure. L'histoire est alors physiquement morcelée, avec des ellipses entre chaque fait qui est visible, et donc nous sommes bien loin de l'écriture fleuve des histoires royales, où tout s'enchaîne sans réelle distinction. Également, il y a la vie triomphante de Louis le Juste, qui est la section des triomphes la plus proche dans ces termes employés, et parfois même sa structure de l'histoire métallique. En effet, dans les deux cas, nous sommes dans plein récit des faits historiques, sans passer par le filtre de la poésie épique qu'emploie par exemple Charles Bay. Nous sommes dans une forme de relation militaire en ce qui concerne les événements liés à la guerre. C'est par exemple le cas de la prise de Cologne par le comte de Guébriant, qui fait écho dans sa construction à des notices de l'histoire métallique, qui reprennent des données numérales sur les forces militaires ou encore énumèrent les pertes ennemies, comme à la bataille de Rethel. René Barry nous décrit également un tant soit peu la stratégie et les combats, avant de conclure sur la puissance totalisante des vainqueurs qui ont conquis, je cite, tout le pays de Cologne, tandis que pour l'histoire métallique, ce sera tout le pays entre Lys, Lippert et Lescaut en 1658 pour les conquêtes en Flandre. Ainsi, les triomphes et l'histoire métallique se rejoignent donc bel et bien à travers un certain nombre de critères, pour la plupart topiques. Malgré tout, l'histoire métallique tend à accentuer des caractéristiques d'ores et déjà présentes dans les triomphes, afin finalement d'amplifier la puissance royale supérieure à quiconque. Ce qui nous mène donc à cette idée d'un règne de métal qui serait en quête de suprématie, et qui passe tout d'abord par la figure transcendante du roi soleil au cœur du discours historique, qui passe tout d'abord par l'évocation des règnes précédents, qui n'est d'ailleurs pas abordée de la même manière d'un recueil à l'autre. Les triomphes en font de rares allusions. La plus évidente n'est tout autre que celle d'Henri Étienne lorsqu'il portrait sur Charles de Créty, je cite, « Henri le Grand subjuga et fut demeuré maître de son pays si sa justice et sa clémence, qui ne pouvaient rien refuser aux humbles, n'eussent rendu au duc de Savoie ses biens. » Donc il est ici en fait encensé au même titre que Louis XIII, contrairement à l'histoire métallique qui place généralement le règne de son roi au-dessus de ceux de ses prédécesseurs, à quelques rares exceptions, comme c'est par exemple le cas à l'Alliance des Suisses, où Louis XIV est mis sur le même pied d'égalité que Henri IV, son héros d'enfance. Cependant, par contre, au canal des deux mers, Louis XIV triomphe là où justement Henri IV et même François Ier ont échoué, surmontant donc l'insurmontable. Enfin, Louis XIV endosse la figure du roi pacificateur, et ce davantage que Louis XIII, qui passe avant tout pour un conquérant. Donc là, on peut faire un pont avec les interventions d'Isabelle Chouvel et d'Isor Boitel. En effet, il n'est réellement fait mention dans les triomphes que de deux traités de paix, celui de La Rochelle et de Cassel, alors que l'histoire métallique nous propose quant à elle 20 médailles sur ce thème. L'accent est donc davantage porté sur le roi soleil qui va à l'encontre de son désir expansionniste pour le bien de son peuple, mais aussi celui de ses adversaires, ce que nous retrouvons à la paix de Ryswick. Il donne en effet la paix à l'Europe, délaissant sa gloire afin d'épargner ses ouailles en véritable père de la patrie, pater patriae. Et prend même plaisir, je cite, à sauver ses ennemis et ses envieux. Dans ses notices, Henri Étienne se rapproche à un moment donné de cette conception d'une paix pour tous, mais celle-ci ne comprend ni les tyrans, ni les usurpateurs de la terre, comme il les appelle par Louis le Juste. Donc d'une certaine manière, le magnanisme de Louis XIV dépasse celui de son père. Là où l'histoire métallique se détache également des triomphes, dans la mesure où elle est contemporaine à son monarque, du moins pour l'édition de 1702, c'est qu'elle ne s'achève pas sur sa fin, contrairement à l'œuvre de Jean Valdor, tombeau à l'honneur de Louis le Juste. C'est donc une histoire ouverte qui n'en finit pas de briller, sur laquelle Louis XIV vient contrôle direct, comme en témoignent les procès-verbaux, que ce soit par ses ministres ou de sa main, comme le 9 janvier 1700 pour le combat de Saint-Denis, où il va refuser expressément la mention du prince d'Orange. Sinon, au niveau de ces traces de la supériorité Louis XIVienne, qui sont plus insidieuses, les triomphes nous offrent une vision exclusivement militaire du règne, comme nous l'avons déjà dit, de Louis XIII, contrairement à l'histoire métallique qui nous propose une diversité plus prononcée quant à ces sujets. Il touche aussi bien le milieu judiciaire avec la tenue du sceau que les prouesses architecturales telles Versailles. Donc pour l'architecture, je vous renvoie à Fabrice Chartron et Inès Villela-Petit. Ou encore la politique intérieure du royaume lorsque le monarque reçoit des placés. Cette diversification rejoint d'ailleurs l'aspect pacificateur du règne, et cela montre que l'histoire métallique se veut plus totale dans ses succès que les triomphes, du moins dans sa variété. Cela passe également par la sécularisation, qui est également accentuée dans l'histoire métallique, bien que dans leur iconographie, les deux œuvres nous offrent généralement une vision profane de la religion. En revanche, leur écriture diffère dans leur rapport au sacré. En effet, l'histoire métallique évoque à de rares occasions le divin, qui apparaît le plus souvent sous la forme du ciel, alors que la présence religieuse abonde véritablement dans les triomphes, où Louis XIII combat véritablement l'hérésie aux côtés de Dieu, comme par exemple à la défaite de Riez, où Charles Bay écrit « Que Dieu commence et que Louis finisse ». Donc cette distinction de rapport au niveau de la religion pourrait être due au fait que le règne de Louis XIII soit profondément marqué par les nouvelles rébellions huguenotes, la guerre de 30 ans cristallisant d'ailleurs le conflit entre catholicisme et protestantisme, alors que l'histoire métallique n'a pas eu forcément le même besoin de renforcer dans ce récit le bien fondé de la religion catholique, même si sur la fin de son règne, Louis XIV, qui est profondément hostile aux huguenots, va durcir son opposition au mouvement. Malgré tout, cette laïcisation amplifiée ne trouve pas uniquement une potentielle explication dans l'histoire, mais aussi dans son utilisation de l'antique, puisque d'une certaine manière, se détacher de la religion catholique, c'est également s'extraire de l'humilité, de la subordination à Dieu, qui en découle, et permettre d'une certaine manière la transcendance du monarque à travers le mythe païen. Là où il se distingue également des triomphes, c'est que l'histoire métallique semble davantage privilégier la langue nationale, alors que le latin demeure véritablement omniprésent dans les triomphes, car le texte français, généralement accompagné de sa traduction latine, concluant alors l'événement sur l'universalité que confère la langue romaine. Nous assistons même à une supériorité du latin sur le français dans la partie sur les devises d'Henri Étienne, puisque chaque portrait s'ouvre sur les maximes latines, qui ensuite sont traduites en français, français qui est encore retraduit en latin. Et de plus, il y a quelquefois fait mention du latin comme d'une langue si riche qu'elle en devient intraduisible en français, français qui se retrouve donc dans la capacité à la dire, je cite, « Les mots latins sont si énergiques qu'ils ne peuvent s'exprimer en français ». Donc, à côté de cela, la hiérarchie va s'inverser dans l'histoire métallique qui s'ouvre sur l'inscription latine, mais se poursuit en français jusqu'à la dernière ligne de la notice, qui traduit systématiquement l'inscription latine en français. C'est comme si on pourrait dire d'une certaine manière le latin léguait sa puissance universelle à la langue française, qui n'est autre que la langue du roi. Il y a également, je suppose que ça, ce n'est pas nouveau, il y a également un dépassement du papier par le métal également. C'est le caractère métallique de l'histoire de Louis XIV qui lui confère une certaine prééminence par rapport au triomphe sur certains aspects, comme la vérité historique. Dans les deux cas, la forme du récit prime bien évidemment sur le fond, la vraisemblance faisant office de loi et rapportant les faits à la faveur de ceux qu'elle sert. Pourtant, l'emploi des médailles au cœur de l'histoire métallique lui concède par défaut sa supériorité en matière de vérité, puisque les médailles nous ramènent aux sciences numismatiques et à l'érudition. Et pour Mark Jones, la médaille s'apparente à une preuve historique, un témoignage incorruptible grâce à son métal qui ne peut être finalement falsifié aussi facilement que le papier. Donc en fait, l'histoire métallique donne une preuve à sa vraisemblance, d'une certaine manière. Le caractère immuable de la médaille accentue aussi la pérennité du souvenir monarchique. Le métal est un matériau plus propice à la conservation de la mémoire que le papier. Et ce qui est d'ailleurs intéressant de noter, c'est que les triomphes se concluent sur, je cite, « la mort d'un prince qui devait être immortel ». Comme si, finalement, le mausolée littéraire n'était pas aussi éternel que prévu. Et autre fait intéressant, c'est que pendant que les triomphes nous proposent une représentation adulte et mythifiée de son roi, l'histoire métallique va, au contraire, développer au fil des averses son vieillissement. Justement, ce vieillissement pourrait aller à l'encontre de l'éternité conférée par la médaille, ou du moins notre paradoxe, la finitude côtoyant alors l'infini. Pourtant, nous pouvons comprendre cet étalage des âges comme une forme de totalité en soi, où la majesté ne se réduirait pas à un seul âge, mais se perpétuerait de la naissance jusqu'aux âges les plus avancés. Cette supériorité du métal passe également par le destinataire de l'histoire métallique, qui ne comprend pas uniquement la postérité et ne vise pas seulement, comme le précise Jean Valdor dans sa préface, à servir de modèle au prince. L'histoire métallique dépasse les frontières grâce à la valeur circulatoire de son support, comme on a d'ailleurs témoigné les communications de vendredi. Les médailles ne sont pas seulement remises en guise de récompense aux plus loyaux sujets, mais sont avant tout des cadeaux diplomatiques pour l'étranger. Ce sont des outils de propagande dont le rayonnement s'exporte, touchant le reste du monde. Cette hégémonie royale du roi Soleil se base donc sur une espèce de dépassement du passé monarchique, et cette grandeur se doit d'être totale pour pouvoir ranger et ordonner sous elle, atténuant ou évinçant certaines aspérités littéraires présentes dans les triomphes ou s'immiscent dans le récit des faits, certains critères qui font d'une certaine manière de l'ombre à l'ordre absolu. D'où la nécessité d'uniformiser le discours historique, ce qui nous mène vers cette esthétique de l'uniformité, qui va tout d'abord s'appuyer sur la figure royale qui va éclipser toutes les autres personnages historiques qui sont généralement mis en avant dans les triomphes. Henri Étienne développe à chaque portrait la grandeur des généraux qui sont glorifiés par leur haut fait au même titre que Louis XIII. Et ils investissent même les titres dans les événements de la vie triomphante de Louis le Juste, s'appropriant alors le coup d'éclat militaire, alors que les académiciens prennent justement soin d'effacer leur implication des titres. Dans l'histoire métallique, l'ensemble des faits est placé en fait sous le patronage de Louis le Grand, d'où une disparition des morceaux de bravoure, ce qui n'est pas le cas dans les triomphes, où on peut par exemple lire que le duc de Weimar, en 1638, fait un discours à ses soldats avant de descendre de cheval, prier et marcher aux ennemis. Cette disparition concerne également l'héroïsme des généraux, mais aussi celui du roi Soleil, alors que Jean Valdor fait mention dès la préface d'une peinture plus héroïque et vraisemblante de Louis XIII. Et cette atténuation de l'héroïsme pourrait s'expliquer par sa désaffection au XVIIe siècle, car issue d'un idéal aristocratique qui se marie très mal avec le triomphe de l'absolutisme. L'éternité également accordée par les triomphes est partagée entre les différents personnages, contrairement à l'histoire métallique qui, comme le rappelle Marie-Claude Canova-Green, glorifie le roi à travers la mort d'autrui. Lorsque les généraux trouvent la mort dans les triomphes, ils conservent leur mérite personnel et gagnent même une immortalité similaire à leur souverain, comme c'est le cas de François de Valois, le duc d'Angoulême. Je cite « C'est la mémoire des hauts faits d'armes de Monsieur le Duc qui ne s'effacera jamais dans le cœur des hommes tant que la vertu trouvera sa place. » Quant à la mort finale même de Louis le Juste, René Barry ramène finalement la gloire du défunt à lui en évoquant dans les dernières lignes sa difficulté à discourir sur cette mort qui l'attriste et qui a déjà fait l'objet d'une multitude d'oraisons funèbres. Donc nous sommes donc loin d'une immortalité exclusive réservée au souverain. Également de par sa nature collective, beaucoup plus prononcée que celle des triomphes, puisque institutionnalisée, l'histoire métallique voue les interventions autoriales à disparaître. La première personne du singulier s'efface du recueil, remplacée par le pronom indéfini « on ». Alors que dans les triomphes, les écrivains n'hésitent pas à se mêler à l'écriture historique, révéler leur participation au règne et à la création littéraire, voire à manifester directement leurs impressions ou réflexions sur les événements. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'histoire de Louis le Juste s'ouvre et se ferme sur la trace d'un auteur, cette première personne du singulier, avec Jean Valdor pour le premier épître dédicatoire et René Barry, comme nous l'avons vu, dans la vie triomphante de Louis le Juste. Quant aux interventions auctoriales, elles peuvent, chez Henri Étienne et René Barry, prendre la forme également de questions rhétoriques ou de passages méta-historiques, souvent axés sur la brièveté nécessaire à l'écriture. À côté de cet effacement des individus, il y a également un effacement des genres littéraires qui se mélangent à l'histoire des triomphes, alors que justement l'histoire métallique cherche à les atténuer, voire les évincer, afin de recentrer le discours historique autour des faits royaux, des actions royales. Cela commence par les leçons de morale, ou les maximes dispensées par l'histoire qui fournit généralement un vivier d'exemplaires à ses lecteurs. En fait, la leçon délivrée par l'histoire métallique est sous-entendue et réside dans la personne même du monarque à travers ses vertus inhérentes. Et seules deux sentences rattachées à la science étatique pourraient nous renvoyer à l'idée de maxime. Elles sont présentes dans les notices des magasins et des commissaires envoyés en province. Les triomphes sont quant à eux beaucoup plus prolixes et moralisateurs à ce sujet, notamment dans la partie qui leur est exclusivement réservée, celle des devises d'Henri Étienne. Il y a également des traits caractéristiques de l'épopée qui se glissent dans les triomphes, dont la première partie est d'ailleurs un concentré de vers héroïques. Le goût de la violence propre à l'épopée s'y inscrit, bien qu'elle soit davantage écrite qu'iconographique, même si l'une de ses gravures est particulièrement évocatrice quant aux épouvantables effets de la guerre, et c'est celle-ci, où on voit un jeune homme qui se plaît au carnage, piétinant femmes et enfants, corps et ossements, au milieu du tonnerre et des vapeurs, accompagné de la discorde et d'une créature monstrueuse, pendant qu'au fond, que l'on voit ici, on voit les cyclopes qui forgent les armes de la destruction. En réalité, c'est très rare de voir ça dans les triomphes. C'est la seule, en fait, où on voit vraiment cette violence. La violence est davantage écrite qu'illustrée. Enfin, qu'illustration, voilà, c'est ça. C'est par exemple Charles Beck qui nous décrit ainsi la famine au siège de La Rochelle. Je cite, « Le roi prend des tombeaux pour s'en prendre des forts et voit pour ses vaincus des mourants et des morts. Pendant que René Barry détaille une victoire navale ainsi, il attaque, il foudroie, toutes les volées sont des homicides. » L'histoire métallique met quant à elle à distance en fait cette horreur à travers notamment la froideur des chiffres qui concernent le nombre de pertes ou à travers la violence des batailles qui est souvent résumée en quelques mots comme par exemple « ce fut un carnage ». Et en fait, il y a un effet inverse, c'est la violence va davantage se déplacer dans l'image, enfin, dans les revers, que dans l'écriture, mais va exclusivement passer par le filtre allégorique de l'iconographie qui atténue l'impact de la violence qui concerne 17 revers, comme pour la prise de Nice que nous voyons ici, où en fait l'usage de l'allégorie fait d'une certaine manière une mise à distance puisqu'il y a une abstraction qui nous éloigne donc du réel. Et il y a par contre trois revers qui sont directement rattachés à la réalité. Deux revers où véritablement on nous plonge dans le champ de bataille, jonchée de cadavres, et le troisième qui nous montre une explosion de poudre au loin. Donc il y a encore cet effet de distanciation. L'ennemi prend également une allure tératologique au cœur des triomphes. Il devient l'incarnation du mal. L'hérésie devient une hydre dans lui le juste combattant et les huguenots terrassés par la faim, je cite, ce squelette vivant ou cette ombre animée. Pour l'histoire métallique, l'adversaire n'est autre qu'un homme, parfois soumis à certains vices, certes, mais parfaitement maîtrisable. Le protestantisme est d'ailleurs réduit à une simple infection dans la notice de l'hérésie détruite. Dans ces disparitions des mélanges des genres, il y a également les harangues qui disparaissent complètement de l'histoire métallique, où à de rares occasions, les discours sont vaguement rapportés, toujours hostiles à un discours indirect, comme par exemple à la notice de la Régence. Contrairement au triomphe, où les prises de parole sont fréquentes, notamment chez René Barry, avec Saint-Seurin qui s'adresse aux habitants et officiers du Royan en 1622. Cette atténuation du registre épique dans l'histoire métallique est suivie de près par une écriture poétique, voire même littéraire, bannie des notices, qui se réfugie dans quelques légendes telles Omen Imperii Maritimi, présage de l'Empire marin. Dans son écriture, l'histoire métallique s'attache davantage à faire passer son écriture élogieuse des faits pour une écriture en quelque sorte plus réaliste, plus proche des faits. Ainsi, elle développe un certain atticisme littéraire. On cherche avant tout à louer sans louer. On préfère le féminisme à l'hyperbole, comme l'a d'ailleurs souligné Claire Carlin au précédent colloque, ce qui va donc dans le sens d'une esthétique sans heurts, sans éclat particulier à la manière d'un César. Nous sommes donc loin de la poésie historique de Charles Bay ou de certaines phrases de René Barry construites sur un parallélisme, comme par exemple « Il n'y avait rien qui pût mieux représenter la noirceur de ses crimes que la noirceur de ses masures à la prise de Monurte par le roi ». Finalement, cette espèce d'uniformisation, à travers le rejet de l'hétérogénéité que représente l'éloge des personnages secondaires et le mélange des genres, nous parvenons à un ordre qui devient formel, à cette idée que l'ordre prend forme. Cette histoire métallique ne connaît pas de division par écrivain dans son déroulement, puisque c'est l'anonymat qui frappe ses créateurs en réalité. Alors que la division en trois parties, en trois styles distincts des triomphes, va s'opposer à cette conception d'une histoire uniforme, bien qu'on puisse noter quelques uniformités dans la partie de Charles Bay, avec notamment la figure de Louis XIII qui revient à chaque gravure. En réalité, les triomphes se rapprochent davantage d'une compilation de textes sans réel lien les uns avec les autres, excepté leur sujet, bien qu'il y ait véritablement une symétrie entre les parties de Charles Bay et de René Barry, comme par exemple, ils traitent de la paix de Cassel tous les deux, mais dans des styles différents. Mais c'est le caractère hétéroclite du recueil va s'accentuer par contre avec l'insertion au début d'épîtres dédicatoires, un florilège de poèmes, de trois préfaces et des lettres royales. Et au cours du développement, on a aussi un tombeau du roi et l'exposition de la gravure que je vous ai montrée. Et malgré tout, au-delà du désordre apparent, Dominique Monconduit parle malgré tout d'un ordre dans la disposition des différentes parties qui constituerait alors un itinéraire dans les triomphes. Cependant, ces tentatives d'ordre n'atteignent pas l'uniformité de l'histoire métallique, qui ne cherche pas à distinguer ces auteurs, qui sont de véritables artisans de la gloire, si je reprends les termes d'Oreste Ranum, ce qui mène à un style académique uniforme, à une écriture qui se ressemble d'un événement à l'autre. Ce phénomène de répétition se ressent même au niveau de l'iconographie, où un certain nombre de revers se répondent dans leur similitude, où nous pouvons retrouver pour deux événements différents une victoire qui marche avec diligence ou une renommée qui abouche sa trompette. L'ordre finit même par toucher l'intégralité de la page, par tout ordonner sous le même format. En effet, d'un événement à l'autre, nous retrouvons la même structure qui ne dépasse pas une page, uniquement le recto. Nous avons le revers où Louis XIV place sous son autorité chaque fait, et le revers qui surplombe l'explication des faits suivie d'une description de l'événement puis de la médaille. Et cet ensemble est encadré par une bordure, voire complété par un fleuron. Et si la notice est plus courte, et là on peut faire un lien avec ce qu'a dit M. Mosley, alors que dans les triomphes, l'ornementation n'est pas aussi totale. Elle se contente, là j'en ai mis quelques exemples, de quelques culs de lampes, de lettrines et de bandeaux, qui sont des vignettes réalisées en partie par Stefano Della Bella. De plus, les événements racontés dépassent généralement la page dans les triomphes. C'est le cas, dans les triomphes, pardon. Dans la vie triomphante de Louis le Juste, les plans ne figurent d'ailleurs pas toujours au début de chaque fait militaire. Et pendant que l'histoire métallique utilise les caractères du roi, spécifiquement conçus à cet effet, la typographie des triomphes peut évoluer d'une page à l'autre, notamment dans la taille de la police. Ce que nous voyons ici, il n'y a pas la même taille de police entre les deux événements. Et donc il y a cette idée que l'histoire métallique s'engage plus loin dans le morcellement de son récit, en raison de sa mise en page, mais il y a également en raison de sa distinction précise d'un événement à l'autre, contrairement au triomphe. En effet, il arrive que René Barry inclut d'autres faits historiques qui n'ont absolument rien à voir avec le titre, comme à la reprise du Castelet par le sieur du Allier, qui à la fin sort totalement du cadre militaire en évoquant la grossesse de la reine puis de la naissance du dauphin. Ainsi, malgré certaines ressemblances principalement topiques entre nos deux œuvres, l'histoire métallique se présente comme un dépassement de l'ancien. C'est grâce à ce dépassement absolu que l'ordre peut véritablement régner. L'histoire métallique va chasser le mélange des genres et le développement des individus des triomphes qui font de l'ombre à son sujet principal. Elle fait le choix de rejeter ses poncifs, habituellement utilisés par la tradition historique, pour animer son récit des faits et rompre avec sa monotonie. Elle aplanit l'intégralité de son discours imagé, l'éclaire en réalité d'une seule manière, et cette histoire métallique va s'extraire dans des irrégularités de l'hétérogénéité apparente et compilatoire des triomphes pour nous donner à voir finalement un règne uniforme jusque dans sa forme, lissé par les raies du roi soleil, car finalement de l'ordre naît la félicité.